Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 21 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le porte-parole du ministère en charge de l'énergie rassure la population que dès ce lundi, le mazout sera disponible. Vous entendrez Leonidas Sindaïgaïa expliquer que sa pénurie observée ces jours-ci est liée au problème de chargement de ce carburant. Un financement de près de 200 millions de francs burundais de la part d'Oxfam est destiné à financer des micro-projets de 4 organisations de la société civile intervenant dans 4 communes de la province de Ruyigi. Et dans la chronique environnement, on verra que la surpopulation a des conséquences néfastes sur l'environnement. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. La pénurie du carburant de type mazout qui s'observe ces derniers jours est principalement due au problème de chargement de ce carburant, explique le porte-parole du ministère en charge de l'énergie. Leonidas Sindaïgaïa indique que la construction des barrages, des routes en cours et l'augmentation des véhicules en sont aussi la cause. Selon lui, les 21 millions de litres du carburant prévu chaque mois ne suffisent plus. Il rassure la population que dès ce lundi, le mazout sera disponible. Suivez-le. Je pourrais vous informer qu'il y a des petits problèmes au niveau du chargement au port de Dar es Salaam. On constate aujourd'hui que dans l'entretemps, il y a eu beaucoup de véhicules d'abord. On a constaté que le Burundi est en chantier, on est en train de construire des barrages, un certain nombre de barrages qui demandent beaucoup de carburant. On est en train de construire des routes qui demandent du carburant également. Tout cela fait qu'effectivement, ça exige une quantité qui serait certainement au-delà des 21 millions de litres que nous utilisons théoriquement chaque mois. Nous sommes en train de voir comment on pourrait augmenter la quantité qui doit être portée au niveau du pays. L'affaire qui était de 21 millions à quelques 26 millions. Certainement que l'estimation de 21 millions était une estimation un peu erronée. Le stock stratégique est en vue. Pour le moment, je dois vous dire que on est en train de le constituer car ça pourra nous aider, nous servir lorsque d'un moment à l'autre il y aura de petits problèmes, d'autant plus que nous-mêmes ne produisons pas le carburant. Le ministère est en train de tout faire. La situation s'estompe. Ces produits en cours seront déjà sur place. C'était Leonidas Sindaïgaïa, porte-parole du ministère en charge de l'énergie. Plus de 22 000 litiges représentant 29% restent à être tranchés par la Commission nationale des terres et autres biens. Déclaration de Félicien Ndougou Burundi, président de cette commission, et c'était lors d'une synergie des médias qui a eu lieu ce jeudi. À moins de 2 mois de la fin du mandat de cette commission, Jean-Bosco Harerimana, expert en justice transitionnelle, trouve que des litiges qui ne seront pas clôturés à la fin du mandat de la dite commission ne devraient pas être transférés aux tribunaux ordinaires, comme le prévoit la loi régissant cette commission. Jean de Dieu Irakotse. À moins de 2 mois de la fin du mandat de la Commission nationale des terres et autres biens, plus de 22 000 litiges restent à trancher, comme le rapporte Félicien de Burundi, son président qui trouve qu'ils devraient être prolongés si possible. La loi est claire en ce qui concerne la prolongation du mandat. En son article 31, il est dit 2 mois avant la fin du mandat, la Commission donne rapport. Les autorités habilitées peuvent juger sur base de ce rapport si le mandat est à prolonger ou pas. Il ne revient pas à moi de déterminer si c'est adéquat. Cependant, compte tenu des dossiers qui restent 22 840, je trouve qu'il serait bon de prolonger ce mandat. Jean-Bosco Harerimana, expert en justice transitionnelle, trouve que les litiges qui ne seront pas clôturés après la fin du mandat de la dite commission ne devraient pas être transférés aux tribunaux ordinaires. Il s'appuie sur la façon de rendre les jugements. Ça fait un beau bout de temps que vous suivez les défis qui hantent la justice et la manière de rendre les jugements. La CNTB a été instaurée pour trancher les litiges dans l'objectif de renforcer le tissu social. C'est pour cela qu'il est plus nécessaire de promouvoir les mécanismes de la justice transitionnelle que de juger. Le manque de moyens financiers est l'un des défis rencontrés par cette commission lors de l'accomplissement de ses missions, comme le déplore son président. Merci Jean de Dieu. Irakoze, je venais de vous le dire dans les titres, à peu près 200 millions de francs burundais seront octroyés à quatre organisations de la société civile œuvrant dans quatre communes de la province de Ruyigi, dont la commune de Wutesi. Joël Nyanding, directeur pays de l'Oxfam, partenaire avec Action Aid et Miparec, et bailleur principal, fait savoir que cet appui est destiné à soutenir les micro-projets de ces organisations pour un bon développement. Tabou Emerancienne, gouverneur de la province de Ruyigi, appelle le bailleur à assurer un bon suivi pour une bonne mise en application de tous ces projets. Omer Ndouayou. Cette activité de sélection des meilleurs micro-projets des associations qui seront appuyées dans les communes Ruyigi, Butaganzwa, Butese Boeru, ont vu la participation des 32 associations en compétition. Joël Nyandingba, directeur pays de l'Oxfam, fait savoir que 4 associations ont été sélectionnées en raison d'une organisation par commune. L'activité d'aujourd'hui consistait à donner les résultats du processus de sélection des organisations qui ont été retenus par rapport au financement que nous voulions octroyer aux organisations de la société civile. C'est une enveloppe de 50 millions de francs burundais par organisation. Une activité appréciée par les gagnants, à l'instar de Jérémy Chubahiro, secrétaire de l'association Pépinière de l'Avenir, impliqué dans la production du miel et la fabrication de la cire sur la colline Gahemba de la commune Ruyigi. Le prix gagné nous permettra entre autres de renforcer nos capacités, dit-il. C'est un projet de mise en place d'une unité de production du miel et de la cire en faveur des jeunes déscolarisés et non scolarisés de la colline Gahemba en commune de Ruyigi. Alors, une partie de 50 millions sera utilisée pour l'achat du matériel et de l'équipement de production. Une autre partie sera réservée au renforcement des capacités de 30 jeunes parce qu'on va former 30 jeunes dans le métier. Parmi ces 30 jeunes, nous allons arrêter des critères pour sélectionner 5 meilleurs qui auront suivi les formations pour occuper des emplois à temps plein au niveau du projet. Il est aussi prévu des renforcements des capacités par rapport à l'organisation et la gestion des coopératives, mais aussi une formation en gestion des conflits. Ceci pour inculquer à ces jeunes un esprit d'unité, de cohésion pour la pérennisation du projet. Le gouverneur de la province Ruyigi, Tabo Emerancienne, de son côté, demande aux bailleurs de faire un bon suivi des activités de ces associations. Les micro-projets retenus sont entre autres celui de création d'une unité de production de miel et de cire qui sera exécutée par l'association Pépinière de l'Avenir en commune Ruyigi, celui de protection du sol contre les effets du changement climatique de l'organisation Turabane de Kingirisi, Evran en commune Butaganzwa, Evran en commune Butaganzwa. Le micro-projet dénommé Formation professionnelle des jeunes déscolarisés et chômeurs et de l'association Umwizerdo Bweru et celui d'appui aux initiatives des femmes et jeunes entrepreneurs sera exécuté par l'association Chazuraberewe de la commune Butezi. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Début cette semaine du bouchage des nids de poules dans la RN3, tronçon Rumonge-Nyanzalac. Les usagers de cette route espèrent qu'ils vont désormais gagner du temps tout en préservant leur santé et l'état de leur véhicule. Ceux qui se sont exprimés voudraient un enchaînement direct avec les travaux de réhabilitation effective de cette route. Jean-Pierre Misago s'est rendu sur ce chantier en commune Nyanzalac. Reportage. Pour certains usagers de cette route, la durée du trajet sera courte. Les véhicules de transport dureront plus longtemps. Il n'y aura plus de soucis sanitaires après le bouchage de tous les nids de poules dans la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Nyanzalac. Pour d'autres, c'est une occasion en or pour être embauché. Ceux qui se sont exprimés voudraient la continuité des travaux de butinage de cette route comme prévu, aussitôt le bouchage des nids de poules terminé. Dans certains points critiques sur les collines Rubindi et Muguruka en commune Nyanzalac, cette route s'est réduite en une seule bande de circulation. Les bords de la route sont tantôt victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika au moment où l'autre bord n'est que des affleurements rocheux. Une pelle excavatrice, une nivelleuse, un compacteur et des camions bennes servant dans le transport des concassés sont utilisés dans le bouchage des nids de poules qui gênaient la circulation dans ce tronçon, surtout en commune Nyanzalak. Ces travaux ont commencé en commune Nyanzalak en direction de la commune Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rubindi en commune Nyanzalak, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Un jeune homme de 19 ans a été arrêté ce jeudi par l'administration locale en collaboration avec la police. C'est sur la colline Kiringane de la commune Rugazi dans la province de Bubanza et conduit au cachot de la zone Muzinda où il est détenu jusqu'à présent. Il est accusé de zoophilie. En effet, il a eu des rapports sexuels avec deux chèvres de sa voisine, selon les témoins sur place à Kiringane. Les mêmes sources confirment que la propriétaire de ces chèvres l'a attrapé en flagrant délit et elle a alerté les voisins. Ces derniers ont tenté une réconciliation et le présumé coupable a même demandé pardon par écrit. Cependant, le chef de colline n'a pas accepté cette démarche et a remis ce jeune homme à la police. Parlons sport maintenant. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les huitièmes de finale de la CAN 2021 qui se déroulent au Cameroun depuis le 9 janvier. Débute ce dimanche sans les Fenecs de l'Algérie, tenant du titre de la CAN 2019. L'Algérie est rentrée avec un petit point sur trois matchs livrés au cours du tour préliminaire. Au dernier match, ce jeudi, les Fenecs se sont inclinés 3-1 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et pour avoir ces équipes qui entrent en huitième des finales, il a fallu coopter quatre meilleurs perdants. Évariste Zikobanyanga. L'équipe nationale de football de l'Algérie, pour laquelle les amateurs du ballon rond accordaient la chance de remporter la Coupe de la CAN 2021, n'a pas eu la chance de mettre les pieds dans les huitièmes de finale. Devant ses fans, les Fenecs ont perdu deux matchs et ont égalisé une fois. En ce dernier match, l'Algérie s'est inclinée 3-1 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, battu au cours de deux matchs, les Fenecs algériens tenant du titre de la CAN 2019 sont rentrés avec un point issu de l'égalisation contre Sierra Leone. La sélection qui a surpris plus d'un, il s'agit de la Gambie. Pour sa première fois à la CAN depuis son existence, elle s'est qualifiée en huitième de finale après avoir battu en phase préliminaire la Tunisie et la Mauritanie tout en égalisant avec le Mali. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Il s'agit de la Tunisie, du Malawi, les Comores et le Cap-Vert. Dans le huitième de finale de la CAN 2021 qui débute dimanche prochain, le Burkina Faso joue contre le Gabon, le Nigeria contre la Tunisie. Lundi, la Guinée croise le fer avec la Gambie, le Cameroun, pays organisateur, joue contre les Comores. Mardi, le Sénégal joue contre le Cap-Vert. Le deuxième match oppose le Maroc et le Malawi. Mercredi, le premier match oppose la Côte d'Ivoire et l'Égypte, tandis que le deuxième et le dernier des huitièmes de finale opposent le Mali et la Guinée équatoriale. Évariste Nzikobanyanga, les dirigeants du pays issus du parti au pouvoir sont appelés à œuvrer pour tous les Burundais sans considérer leur appartenance politique. Lors de l'ouverture de la prière de trois jours organisée par le CNDD-FDD depuis ce jeudi, Mgr Simon Hamwana, archevêque de Gitega, a salué le rétablissement de la sécurité, mais déplore des enlèvements. Suivez Mgr Simon Hamwana, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Kenshi, Turabumva Nijambo. Ngo twashize imana imbere ndizeye ko gitari cyifuzo kigaragara. Nous entendons souvent dire dans vos paroles que vous avez placé en premier lieu Dieu. J'espère que ce n'est pas un simple souhait, mais que c'est une parole d'un vrai chrétien qui est touché par la situation des Burundais et qui cherche du bien pour tous. Les bons et les méchants, ceux qui sont avec vous dans votre parti politique, même ceux qui ne sont pas avec vous, toi qui se joins à vos confrères parce que tu veux défendre tes intérêts, je te dis la vérité que tu te trompes. Acceptez d'abord que Dieu est avec vous et qu'il voit le cœur de chacun. Vivez dans cette foi et avec tout cela, vous partirez chez vous avec bénédiction pour travailler pour nous sans être corrompu, sans discrimination, en cherchant de partager les places dans différents services avec les autres. Qu'est-ce ce soit peu de services. Est-ce que vous saviez que si vous bénéficiez quelque chose de quelqu'un qui vous a défendu, après cela, c'est déshonorant. Nous vous remercions du renforcement de la sécurité dans le pays. Mais faire disparaître quelqu'un soupçonné d'être un malfaiteur alors que vous savez comment ça blesse les cœurs de vos populations. Tout cela et autres que je ne citais pas, vous pouvez le faire sans toutefois laisser la malédiction partout où vous allez passer. Protégez-nous tous parce que nous sommes tous égaux, de même sans oppression ou ne pas considérer de même manière ceux qui ne sont pas membres de votre parti politique. Monseigneur Simon Ntamwana, archevêque de Gitega. Deux nouvelles brèves en international avant la chronique environnement. Au Mali, un hommage national est rendu ce vendredi à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche dernier à Bamako. Un deuil national de trois jours à compter de ce vendredi a été décrété par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Deux temps forts sont annoncés pour la journée, la cérémonie d'hommage et l'inhumation d'Ibeka dans un cadre familial. Et un deuil national de trois jours a été décrété par le président Georges Weah suite à la mort de 29 personnes au moins dans un mouvement de foule. C'était la nuit de mercredi 19 au jeudi 20 janvier et cela s'est produit lors d'un rassemblement religieux en périphérie de Moronvia. Le rassemblement se faisait autour d'un prédicateur populaire, le pasteur Abraham Kroma. Radio Isanganiro, chronique environnement. La destruction massive de tout ce qui est naturel et l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, voilà des conséquences environnementales liées à la pression démographique. Explication d'Athanase Nkunzimana. Il est professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques et population. Selon lui, la population doit penser à la limitation des naissances afin de protéger l'environnement. Lydie Gahimbare. Dans la chronique précédente, Dr. Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques, a expliqué que la pression démographique est la cause de la destruction de l'environnement. Dans la chronique d'aujourd'hui, Athanase Nkunzimana a expliqué que la destruction massive de tout ce qui est naturel et l'augmentation des gaz à effet de serre sont des conséquences de la pression démographique. Il y a la destruction massive de ce qui est naturel. À la longue, plus la population augmente, plus il y aura disparition des forêts, de tout ce qui est naturel. Et dans ce cas, les conséquences sont multiples. D'abord, c'est que le sol sera beaucoup plus exposé, n'est-ce pas? Il y aura l'intensification du phénomène d'érosion qui, à la longue, aboutira au lessivage des sols. Il y aura aussi, comme je l'ai dit, l'intensification des mouvements de masse, des glissements de terrain, des effoulements et aussi, au cas échéant, lorsqu'il y a des précipitations intenses, aussi il y aura amplification, n'est-ce pas, des inondations. Ça, ce sont les conséquences de cette dégradation environnementale qui est causée par la pression démographique. Dans le temps, quand nos collines étaient couvertes, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'intensification de mouvements de masse ou d'intensification des inondations. Mais actuellement, suite à l'occupation anarchique de toutes les collines, même les zones qui sont inconstructibles, et donc les conséquences deviennent de plus en plus, disons, frappantes par rapport aux années antérieures. Selon Louis, la limitation des naissances est l'une des solutions pour faciliter la protection de l'environnement. La limitation des naissances, le contrôle des naissances. Parce qu'à l'origine, c'est sur les naissances qui amplifient le nombre, n'est-ce pas, des habitants. Et donc, je dirais que la population burundaise soit consciente pour la limitation des naissances. Bien sûr que les autorités de notre pays appellent à la population à limiter les naissances, mais il reste à ce que la population ait cette conscience pour réduire systématiquement les naissances. Parce qu'avec les données de l'ISTEBO, en 2021, la population burundaise était de 12 millions. Et avec les projections, c'est que dans 2050, la population burundaise serait de 28 millions d'habitants. Mais sachant que la spécificité du Burundi ne change pas. Si on ne tient pas à limiter les naissances, ce qui demain est incertain. Selon toujours Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi, le gouvernement doit sensibiliser la population à l'utilisation des véhicules qui ne consomment pas du carburant pour diminuer les gaz à effet de serre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que le porte-parole du ministère en charge de l'énergie rassure la population que dès ce lundi, le mazout sera disponible. Vous avez suivi les explications de Leonidas Sindai Gaïa qui a dit que sa pénurie observée ces jours-ci est liée au problème de chargement de ce carburant au port de Dar es Salaam. Et un financement de près de 200 millions de francs burundais de la part d'Oxfam est destiné à financer des micro-projets de 4 organisations de la société civile intervenant dans 4 communes de la province de Ruyigi. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui a été mis en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.